Le retour, on descend de la scoupe volante de ces envahisseurs. Voilà, le retour de Cargocule sur les ondes de Pinot, ça me met totalement en joie, ça. Et alors, j'ai commencé par une information qui n'a rien à voir avec la musique, mais c'est très vachement important. Vous savez que tous les branchés, quand ils sont malades aujourd'hui, ils ont le Covid, quoi. Mais il en va de l'archéologie des maladies, un peu comme de l'archéologie des médias. C'est-à-dire qu'il faut retrouver peut-être le sens premier du vrai bon gros rhume qui tabasse, quoi. Le truc qui s'appelle sinusite. Eh ben, ça existe encore. Je l'ai retrouvé. C'est génial, c'est comme le monde d'avant, quoi. Vous avez la tête qui fait vroom, vous avez la grande barbe, vous avez tout bouché, comme ça. Et en plus, vous parlez dans le poste, quoi. Donc c'est une vraie promotion du monde d'avant. Alors, c'est très chiant, hein, faut pas croire. Du coup, j'étais voir le marabout de mon coin, à Barbès, hein, comme je fais d'habitude, avec les vieilles maladies, hein. Y a pas meilleur conseil qu'eux, quoi. Et il m'a dit, mais là, il faut y aller, il faut bastonner. Faut y aller à la Techno Base. Oh, Techno Base, je dis, bah oui, celle de Hawks ATI. Tu dis, oui, on était complètement d'accord, lui et moi. Donc, je dis, évidemment, il n'y a pas mieux que ça. Et là, vous allez vivre en direct, si vous voulez, la forme d'automédication via la Techno Base de Hawks ATI. Ah, tout ça a l'air bien crypté. Alors, je m'explique, parce que c'est là qu'on s'en marque aujourd'hui. Hawks ATI, bah, c'est du pur Detroit sound, c'est la techno comme on aime, j'ai envie de dire sans fioritures, volontiers tapageuse, mais peut-être bien plus fine en fait qu'il n'y paraît. On est dans le premier cercle ici, on est dans cet entourage pionnier et premier qui s'est émancipé à Détroit au milieu des années 80 et dans le sillage direct et dans l'entourage vraiment direct de Ron Atkins. C'est pas un secret de répéter ici comme Ron Atkins et son premier duo, Cibotron, ont finalement enflammé une scène locale qui, à son tour, a enflammé le reste du monde. Alors le disque dont on va parler aujourd'hui, pour le peu, c'est un disque de 1996, donc quand il sort, la techno est déjà bien installée. Et les gars qui sont derrière ce disque-là sont bien installés aussi, mais installés sans être strictement repérés. Alors rentrons dans ce disque, rentrons dans Smith. Déjà, le titre est formidable, Hawks ATI, c'est leur deuxième album, pour tout vous dire. Ça s'appelle « Is it man or machine ?» Sacrée question. « Is it man or machine ?» Alors, c'est une question, qui est extrêmement au centre de Détroit et de la musique de Détroit depuis ses origines. Et je ne parle pas même d'ailleurs de la techno, ça c'est même une évidence, mais c'est au cœur de la musique de Détroit depuis Motown, si vous voulez. Motor City. C'est bien dit, quand même. Et bien sûr, il y a un renvoi à la question originelle de l'homme-machine, man-machine, de Kraftwerk. Et Kraftwerk a trouvé une réponse absolument funky et endiablée avec la techno de Détroit. On sait à quel point le mythe premier, finalement, a trouvé renaissance et expression dans le fleuron post-industriel de la ville de Détroit. Les machines, on n'en fait plus, mais de la musique et de la bonne, on en est en plein dedans à ce moment-là. Et l'affaire continue, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. La techno bass telle que l'ont breveté le groupe Hawks ATI est en fait plutôt un retour à une vraie source, à l'électro. À l'électro, pas au sens générique, un peu fourre-tout, hein, dont on se sert aujourd'hui, mais à l'électro pionnière, à l'électro-funk, à l'électro-hip-hop, qui a nourri à l'aube des années 80, Mantronix, Africa Bambaataa, et quelques autres. L'électro, quand bien même il est né finalement à New York, il s'est relativement dépêché de se barrer. Et paradoxalement, mais est-ce que c'est un paradoxe? À mon avis, pas du tout. C'est devenu une culture durable qui s'est enracinée et qui a continué à progresser à Détroit. Et puis on peut le dire aussi un petit peu à Miami, avec les mouvements Miami Bass. Mais c'est principalement, je pense qu'à Détroit, on en trouve les meilleurs zélateurs, et surtout ceux qui vont renouveler le genre, tout en restant dans une forme d'archéologie du média électro, comme je m'amusais à le dépeindre au début de ce programme. Alors, vous allez voir, c'est une électro, comment dire, complètement tétostéroné, burné, et volontairement, comme ça, un peu poussé en avant, mais ça reste une musique de radio, c'est pas finalement une musique de rêve, pas tant que ça en tout cas, moins que les grandes fulgurances super puissantes que pouvait sortir Underground Resistance à ce moment-là par exemple, hein, avec Robert Hood et Jeff Mills et Mind Mike mais mélangés, et puis après bien sûr leurs expressions solo singulières. Bah revenons un petit peu à l'histoire, parce que ce groupe, c'est pas tout à fait un groupe, c'est un duo, c'est aussi un trio, et puis ça a été un solo. C'est redevenu un duo, voilà, et plus ou moins avec les mêmes éléments. Mais on rentre dans cette stratégie qui est aussi très très au fait de ce qu'a pu développer Détroit, et ce fameux premier cercle autour de Juan Atkins, puis autour après du clan Submerge, de Mad Mike, dans Underground Resistance, etc. On est dans des groupes entités, si vous voulez. Des quasi-groupuscules. À l'origine, le groupe se forme sous le nom Régime, et c'est très amusant, mais plus qu'amusant, c'est riche d'enseignement de savoir que Régime, c'est un groupe live qui joue, qui fait des covers directement, presque au mot à mot, en tout cas très très très très inspiré, des premières tracks de Ron Atkins, sous le nom de Model 500, ou même Cybotron, le duo que j'évoquais tout à l'heure. Or, Ron Atkins a très peu fait de live, et surtout pas à ce moment-là. Et ça ne l'intéressait pas. Alors que le Hawks 88, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Hawks 88 à ce moment-là, qui sont donc dans ce groupe Régime, eux vont le faire. Hawks 88, c'est amusant parce que c'est une rencontre de plusieurs gens qui vont quand même s'articuler autour d'une personnalité forte, c'est Tommy Hamilton. Tommy Hamilton alias Tom-Tom. Tom-Tom, c'est un danseur hip-hop à la base. Un des chefs de file de groupe de danseurs hip-hop qui vont s'appeler tour à tour les Cosmic Swingers. Cosmic Swingers, c'est pas génial comme nom. Et les Motor City Boppers. Voilà, qui est pas mal aussi. Et puis, parfois, au fil des rencontres, notamment avec Keith Tucker. Keith Tucker, c'est quelqu'un qui va s'exprimer sous le nom de DJ K1. Alors, entre autres, parce que alors, vous avez une foire au pseudo, je vais essayer de ne pas noyer dessus aujourd'hui, mais on peut s'y perdre. Et ils vont finalement ensemble acter une formation qui va pas durer longtemps, qui s'appelle RX7 en 1985. Le duo craque, et il craque très vite, mais pour le bonheur de chacun, et voire pour le bonheur du duo qui va se retrouver après. Parce que de 85 aux années qui suivent, Tom-Tom comme K1 vont alors largement explorer justement la techno-bass, aller volontiers dans des chemins un petit peu expérimentaux avant de recentrer ça dans quelque chose de frontal et dancefloor. Et du coup, le groupe se recrée véritablement et prendra le nom de Hawks 88. Et là, on est au tout début des 90s. Le groupe va être signé, c'est très intéressant de le dire, parce que le groupe fait son propre label, un peu comme tout le monde à Détroit, presque comme tout le monde aux États-Unis, et un label mythique, Direct Beat. Direct Beat. Le groupe est lui-même, et leur label d'ailleurs, est lui-même hébergé sur un autre label, en fait, qui est 430 West. C'est un label extrêmement important à Détroit, mené par les frères Burden, notamment Lawrence Burden, qui est l'ingénieur son un petit peu fétiche de Underground Resistance et de Mad Mike, et chef de clan des frères Burden et de leur groupe Octave One. Si je nous emberlificote un peu trop avec les noms, n'hésitez pas à me le dire sur le chat ou autrement. Mais c'est plutôt intéressant quand même de mettre en avant ces filiations et cousinages. Et croyez-moi, là-dessus, ils sont très très serrés. Je reviens à ce que je disais au début, on est dans le premier cercle. Le premier LP d'Hawks 88 va être dans une veine qui est relativement commune à ce qui se fait à Détroit à ce moment-là. Mais le commun plutôt bon, voire le meilleur du commun. Je crois que c'est l'album qu'on va peindre aujourd'hui qui, lui, va se démarquer et qui, lui, va pas être tout à fait comme les autres, mais devenir justement une espèce de pièce totalement influente. Donc ce fameux « Is it man or machine ?» Et voilà, j'y viens enfin. C'est en fait plus ou moins une compilation hein, de singles sortis auparavant, tous en 1995. Mais avec des versions tantinet remaniées, et puis ces intertitres hein, qui font le bonheur comme ça d'une mise en LP. Effectivement, qu'on soit quand même pas à strictement un album comme on conçoit des maxi. Et ça, Détroit l'a très bien compris. Alors que leur petit copain de la house de Chicago, etc., eux, cultivaient pas cette notion d'album. On l'a fait un petit peu davantage quand même à Détroit. Je dis quand bien même, le contenu des albums est essentiellement d'un relookage de titres déjà parus en maxi. Alors plus qu'un album, il y a une vraie profession de foi, si vous voulez, avec cette espèce de militantisme qui est posé dans le titre même des morceaux, quoi. Techno, bass, hein, electro, techno. Alors bien sûr, le titre phare, Man or Machine, ou encore Cyber City Radio. Hein. Donc on y est. On est dans ce militantisme électro pur et dur. Et croyez-moi, je trouve que c'est pas un message désuet. C'est ça que je trouve intéressant. À la fois dans le son, et à la fois dans cette portée complètement universelle de slogans électroniques quoi, qui sont portés à même la communauté. Et croyez-moi qu'à Détroit, finalement, ça fait sens. Voilà. Mon marabout préféré m'a dit de ne pas parler trop en début de ses programmes, histoire de ne pas être totalement écroulé par la sinusite. Bah, je vais lui obéir, parce qu'évidemment, ça va de soi. Et bienvenue immédiatement dans cet album jouissif, juteux, mais aussi subtil quand il faut, sur 45 minutes. On se retrouve juste après. Bonne écoute de Scarco Cult. Hello. My name is Exa. To gain access to all programs, you must enter your passcode. Thank you. Uncle Tonton, will you tell me a story? Sure, little fella. I'll tell you a story. Why don't you sit right here? In the beginning, man was created. And then man created. The beat. I don't know where I've been. Too Freak. I need to freak. ship you just bought, man. Yeah, man, he told us to come out to the space jam, man. It's supposed to be the happening spot. Better be happening, man. 3 million miles. Hey, hey, hold on. Okay, we're gonna make a left right here. Right here, right here. Yeah, yeah, there you go, right there. We're gonna pull some chicks up in this motherfucker. I know it's gonna be live. They said it's bumpy, man. Straight up. Yeah, look at that Electrobox. Oh, yeah. Ballet in, man. Let me turn this radio off, man. Hey, hey, hey, listen to the bass. My man is bumping, dog. Valet, well, sir? Yeah, we try valet. That would be 8,000 credits. What? Well, 8,000 credits? Hey, man, you want to park this mother and walk? Hey, man, that's all right. That's all right, dog. I slid him the coupon, man. I ain't paying no 8,000 credits, man. Is that crazy? Some techno bass.

the city, this is DJ Bass Trying back on the top 10 bass head countdown. That was Pop Triangle Shake, pulling at a number 2 spot. Hey fellas, that was some slamming shh. Now what you all been waiting for? Who holds the number 1 spot? Well, let me tell you here, boy. Debuting at number 1 is a pair of prototype humans who call themselves Aux 88 with a slamming hit. Boy, they got a hit on their hands. They call it the countdown. You can run and tell everybody that you heard it first on Bass Trotting FM 88.3000-4 or your digital display radio Zoid. Now check it out. You have 5 minutes before shutdown. 5, 4, 3, 2, 1. Program terminated. Program terminate. On peut mieux dire, non? Ah, on y est en plein. On y est en plein, cette électro-soul de Détroit. On est dans un futurisme et un retour aux sources de l'électro, totalement pile-poil dans son époque, quoi. 96, je le répète, pour cet album donc de Hawks 88, fondamentalement une compilation de maxi, mais pas que. Vous aurez noté que ce disque est aussi à lui tout seul un des plus beaux tributes de Détroit à Düsseldorf. Et donc à Kraftwerk, hein, avec ce titre éponyme Man or Machine, qui est peut-être dans l'album effectivement celui qui va faire le clin d'œil le plus appuyé, hein, au géniteur de Kraftwerk. Et ça, Détroit saura le faire aussi à travers Doppler Effect. On s'en faisait la remarque en chat avec AY, évidemment, mais avec quelques autres aussi. Quant au label de Hawks 88, Direct Beat, des super disques vraiment reconnaissables à leur logo impeccable, B sur fond rouge, c'était assez rare. Ça dépassait très peu les 500 copies, c'était un petit peu la norme de tirage, on pouvait éventuellement en retirer d'autres, mais en cela, ils étaient beaucoup moins tirés que les 12 inches d'Underground Resistance au même moment ou d'autres. Et alors, moi, ouais, j'avais de la chance parce que je recevais même les. Il y avait des promos cassettes, alors encore plus rares, hein, c'était 50 ou 100 copies, et là, c'était destiné aux radios. Ou aux journalistes, quoi. De fait, c'était moins cher de faire des promos aux cassettes que les 12 inches, enfin, tout ça se défend, quoi. Mais les cassettes de Direct Beat, alors là, c'est collector de chez collector, puisque de fait, elles n'étaient pas vendues, hein. C'était des strictes promos. Et justement, à travers leur cassette, à l'époque des 96, c'était riche de renseignements, c'est-à-dire qu'on avait le début de ce qu'allait être officialisé. Alors certes, avec cet album de Hawks 88, donc principalement articulé autour de Tom Tom, et non pas Cliff Tucker d'ailleurs, mais Benji Smith, qui s'expose par ailleurs sous le nom de Posatronics, sur le même label Direct Beat. Alors je vous ai dit que c'était un peu une foire au pseudo dans laquelle on pouvait se perdre aisément, et souvent c'est des pseudos qui cachent les mêmes acteurs, mais petit à petit et finalement à peu près un peu plus de 12 mois, un peu plus d'un an après l'album Is It Man or Machine, Direct Beat va quasiment officialiser le genre techno bass avec une compilation absolument remarquable et qui s'arrachait, je vous dirai rapidement pourquoi, parce qu'effectivement d'abord on y trouvait pas mal d'inédits. On trouvait à petit peu près tout ce beau monde-là déguisé plus ou moins sous des pseudos. X-Hile, ça reste Hawks 88, mais principalement Tom Tom. Chronic Tronic, si je ne m'abuse, c'est probablement les frères Burden, ou en tout cas au moins l'un des deux, Lawrence Burden, qui pilote finalement le label mère 430 West, et qui est aussi l'ingé son principal d'Underground Resistance. Digital, où il doit y avoir Tom Tom. Alien FM, c'est. Voilà, c'est DJ K1 ou Cliff Tucker. Voilà, croyez-moi, il y en a d'autres et je peux tout à fait m'emberlificoter dans l'affaire. Parmi les sorties de Direct Beat, il y en a une, parce que bon, c'était un truc d'esthète, ça trouvait son public, certes, d'autant plus que les disques étaient rares, donc ils se vendaient, mais justement, il y avait une rareté quasi programmée chez Direct Beat. Et un moment, il y a la perle de chez Perle, il y a la bombe de Dancefloor totale, que va faire Direct Beat, et justement seulement à 500 copies. Le truc en 3 jours est demandé, ça rage de partout, il n'y en a plus en 3 jours. Et c'est en fait un pseudo Electric Soul, derrière lequel se cache Mad Mike. Et finalement, il est caché de manière un peu visible, hein, c'est marqué Mad Mike Music, etc. On sait à quel point Detroit, et spécialement Mad Mike, jouait à cache-cache comme ça avec des informations, mais celle-ci est plutôt facilement décodable, et immédiatement, on a une patte et un titre de Dancefloor absolument furieux que tout le monde veut s'arracher. Et pendant 2 ans, tout le monde court après, très peu long. Finalement, il va trouver une résonance sur la première compilation officielle, donc je vous parle de Direct Beat, qui s'appelle, et on l'a bien nommé, Techno Bass, The Mission. Ben voilà, mission accomplie. Et justement, extrait de cette compilation, à la fois double vinyle et CD, et du coup, visibilité un tout petit peu plus accrue. Je dis bien un tout petit peu plus, hein, parce que le titre est aujourd'hui pas si facile que ça à trouver, de ce X-Square de Electric Soul à Command Mike. Et c'est ce titre-là que je vous lis en guise de finale, en guise de terrassement définitif de la sinusite. Croyez-moi, ça y va. C'est fini. Bam. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.